Kirillov lui-même nous aide à mieux comprendre. Sur une question de Stravogine, il précise qu'il ne parle pas d'un dieu homme. On pourrait penser que c'est par souci de se distinguer du Christ, mais il s'agit en réalité d'annexer celui-ci. Kirillov, en effet, imagine un moment que Jésus mourant ne s'est pas retrouvé en paradis. Il a connu alors que sa torture avait été inutile. Les lois de la nature, dit l'ingénieur, ont fait vivre le Christ au milieu du mensonge et mourir pour un mensonge. En ce sens seulement, Jésus incarne bien tout le drame humain. Il est l'homme parfait, étant celui qui a réalisé la condition la plus absurde. Il n'est pas le Dieu-homme, mais l'homme-Dieu. Et comme lui, chacun de nous peut être crucifié et dupé, laid dans une certaine mesure. La divinité dont il s'agit est donc toute terrestre. « J'ai cherché pendant 3 ans, dit Kirillov, l'attribut de ma divinité, et je l'ai trouvé. L'attribut de ma divinité, c'est l'indépendance. » On aperçoit désormais le sens de la prémisse kirillovienne. Si Dieu n'existe pas, je suis Dieu. Devenir Dieu, c'est seulement être libre sur cette terre, ne pas servir un être immortel. C'est surtout, bien entendu, tirer toutes les conséquences de cette douloureuse indépendance. Si Dieu existe, tout dépend de lui, et nous ne pouvons rien contre sa volonté. S'il n'existe pas, tout dépend de nous. Pour Kirillov, comme pour Nietzsche, tuer Dieu, c'est devenir Dieu soi-même. C'est réaliser, dès cette terre, la vie éternelle dont parle l'Évangile. Mais si ce crime métaphysique suffit à l'accomplissement de l'homme, pourquoi y ajouter le suicide? Pourquoi se tuer, quitter ce monde, après avoir conquis la liberté? Cela est contradictoire. Kirillov le sait bien, qui ajoute « Si tu sens cela, tu es un tsar, et loin de te tuer, tu vivras au comble de la gloire. » Mais les hommes ne le savent pas, ils ne sentent pas cela. Comme au temps de Prométhée, ils nourrissent en eux les aveugles espoirs, ils ont besoin qu'on leur montre le chemin et ne peuvent se passer de la prédication. Kirillov doit donc se tuer par amour de l'humanité. Il doit montrer à ses frères une voie royale et difficile sur laquelle il sera le premier. C'est un suicide pédagogique. Kirillov se sacrifie donc, mais s'il est crucifié, il ne sera pas dupé. Il reste homme-dieu, persuadé d'une mort sans avenir, pénétré de la mélancolie évangélique. « Moi, dit-il, je suis malheureux parce que je suis obligé d'affirmer ma liberté. » Mais lui mort, les hommes enfin éclairés, cette terre se peuplera de tsars et s'illuminera de la gloire humaine. Le coup de pistolet de Kirillov sera le signal de l'ultime révolution. Ainsi, ce n'est pas le désespoir qu'il pousse à la mort, mais l'amour du prochain pour lui-même. Avant de terminer dans le sang une indicible aventure spirituelle, Kirillov a un mot aussi vieux que la souffrance des hommes. Tout est bien. Ce thème du suicide chez Dostoïevski est donc bien un thème absurde. Notons seulement, avant d'aller plus loin, que Kirillov rebondit dans d'autres personnages qui engagent eux-mêmes de nouveaux thèmes absurdes. Stavrogine et Ivan Karamazov font dans la vie pratique l'exercice des vérités absurdes. Ce sont eux que la mort de Kirillov libère. Il cessait à être tsar. Stavrogine mène une vie ironique, on sait assez laquelle. Il fait lever la haine autour de lui. Et pourtant, le mot-clé de ce personnage se trouve dans sa lettre d'adieu. « Je n'ai rien pu détester. » Il est tsar dans l'indifférence. Ivan l'est aussi en refusant d'abdiquer les pouvoirs royaux de l'esprit. À ceux qui, comme son frère, prouvent par leur vie qu'il faut s'humilier pour croire, il pourrait répondre que la condition est indigne. Son mot-clé, c'est « le tout est permis ». Avec la nuance de tristesse qui convient. Bien entendu, comme Nietzsche, le plus célèbre des assassins de Dieu, il finit dans la folie. Mais c'est un risque à courir et devant ses fins tragiques, le mouvement essentiel de l'esprit absurde est de demander « qu'est-ce que cela prouve ?»